Section 23 de Mémoire d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 7, suite. Nous quittâmes Verdun. Les pluies avaient défoncé les chemins. On rencontrait partout caissons, affûts, canons embourbés, chariots renversés, vivandières avec leurs enfants sur leur dos, soldats expirant ou expirés dans la boue. En traversant une terre labourée, j'y restais enfoncé jusqu'aux genoux. Ferron et un autre de mes camarades m'en arrachèrent malgré moi. Je les priai de me laisser là. Je préférais mourir. Le capitaine de ma compagnie, M. de Goyon-Mignac, me délivra le 16 octobre, au camp près de Longwy, un certificat fort honorable. À Arlon, nous aperçûmes sur la grande route une file de chariots attelés. Les chevaux, les uns debout, les autres agenouillés, les autres appuyés sur le nez, étaient morts, et leurs cadavres se tenaient roidis entre les brancards. On eût dit des ombres d'une bataille bivouaquant au bord du Styx. Ferron me demanda ce que je comptais faire. Je lui répondis, « Si je puis parvenir à Ostende, je m'embarquerai pour Jersey, où je trouverai mon oncle de Bédé. De là, je serai à même de rejoindre les royalistes de Bretagne. » La fièvre me minait. Je ne me soutenais qu'avec peine sur ma cuisse enflée. Je me sentis saisi d'un autre mal. Après 24 heures de vomissement, une ébullition me couvrit le corps et le visage. Une petite vérole confluente se déclara. Elle rentrait et sortait alternativement, selon les impressions de l'air. Arrangé de la sorte, je commençai à pied un voyage de 200 lieues, riche que j'étais de 18 livres tournois, tout cela pour la plus grande gloire de la monarchie. Ferron, qui m'avait prêté mes 6 petits écus de 3 francs, étant attendu à Luxembourg, me quitta. En sortant d'Arlon, une charrette de paysans me prit pour la somme de 4 sous et me déposa à 5 lieues de là sur un tas de pierres. Ayant sautillé quelques pas à l'aide de ma béquille, je lavai le linge de mon éraflure devenue plaie dans une source qui ruisselait au bord du jardin, ce qui me fit grand bien. La petite vérole était complètement sortie et je me sentais soulagé. Je n'avais point abandonné mon sac, dont les bretelles me coupaient les épaules. Je passai une première nuit dans une grange, et ne mangeai point. La femme du paysan, propriétaire de la grange, refusa le loyer de m'accoucher. Elle m'apporta au lever du jour une grande écuelle de café au lait avec de la miche noire que je trouvais excellente. Je me remis en route, tout gaillard, bien que je tombasse souvent. Je fus rejoint par 4 ou 5 de mes camarades qui prirent mon sac. Ils étaient aussi fort malades. Nous rencontrâmes des villageois. De charrettes en charrettes, nous gagnâmes, pendant 5 jours, assez de chemin dans les Ardennes pour atteindre à terre Flamizoul et Bellevue. Le 6e jour, je me trouvai seul. Ma petite vérole blanchissait et s'aplatissait. Après avoir marché 2 lieues, qui me coûtèrent 6 heures de temps, j'aperçus une famille de bohémiens, campés, avec 2 chèvres et un âne, derrière un fossé, autour d'un feu de brande. À peine arrivai-je, je me laissai choir, et les singulières créatures s'empressèrent de me secourir. Une jeune femme en haillons, vive, brune, mutine, chantait, sautait, tournait, en tenant de biais son enfant sur son sein, comme la vielle dont elle aurait animé sa danse. Puis elle s'asseyait sur ses talons, tout contre moi, me regardait curieusement à la lueur du feu, prenait ma main mourante pour me dire ma bonne aventure, en me demandant un petit sou. C'était trop cher. Il était difficile d'avoir plus de science, de gentillesse et de misère que ma Sibylle des Ardennes. Je ne sais quand les nomades dont j'aurais été un digne fils me quittèrent, lorsque, à l'aube, je sortis de mon engourdissement, je ne les trouvais plus. Ma bonne aventurière s'en était allée avec le secret de mon avenir. En échange de mon petit sou, elle avait déposé à mon chevet une pomme qui servit à me rafraîchir la bouche. Je me secouai comme Jeannot Lapin parmi le thym et la rosée, mais je ne pouvais ni brouter, ni trotter, ni faire beaucoup de tours. Je me levai néanmoins dans l'intention de faire ma cour à l'aurore. Elle était bien belle, et j'étais bien laid. Son visage rose annonçait sa bonne santé. Elle se portait mieux que le pauvre céphale de l'Armorique. Quoique jeunes tous deux, nous étions de vieux amis, et je me figurais que ce matin-là, ses pleurs étaient pour moi. Je m'enfonçais dans la forêt. Je n'étais pas trop triste. La solitude m'avait rendu à ma nature. je chantonnais la romance de l'infortuné Cazotte, tout au beau milieu des Ardennes est un château sur le haut d'un rocher, etc., etc. N'était-ce point dans le donjon de ce château des fantômes que le roi d'Espagne, Philippe II, fit enfermer mon compatriote, le capitaine Lanoux, qui eut pour grand-mère une Chateaubriand ? Philippe consentait à relâcher l'illustre prisonnier, si celui-ci consentait à se laisser crever les yeux. Lanoux fut au moment d'accepter la proposition, tant il avait soif de retrouver sa chère Bretagne. Hélas, j'étais possédé du même désir, et pour m'ôter la vue, je n'avais besoin que du mal dont il avait plu à Dieu de m'affliger. Je ne rencontrais pas Sire Enguerrand venant d'Espagne. Note, c'est toujours la romance de Cazotte, dont le troisième couplet commence ainsi. Sire Enguerrand venant d'Espagne, passant par là, cuidait se délasser. Fin de note. Mais de pauvres traînes-malheurs, de petits marchands forains, qui avaient comme moi toute leur fortune sur le dos. Un bûcheron, avec des genouillères de feutre, entrait dans le bois. Il aurait dû me prendre pour une branche morte et m'abattre. Quelques corneilles, quelques alouettes, quelques bruants, espèces de gros pinsons, trottaient sur le chemin ou posaient, immobiles sur le cordon de pierre, attentifs à les mouchets qui planaient circulairement dans le ciel. De fois à autre, j'entendais le son de la trompe du porcher, gardant ses truies et leurs petits à la glandée. Je me reposais à la hutte roulante d'un berger. Je n'y trouvais pour maître que chaton qui me fit mille gracieuses caresses. Le berger se tenait au loin, debout, au centre d'un parcours, ses chiens assis à différentes distances autour des moutons. Le jour, ce pâtre cueillait des simples. C'était un médecin et un sorcier. La nuit, il regardait les étoiles. C'était un berger chaldéen. Je stationnais une demi-lieue plus haut dans un viandis de cerf. Des chasseurs passaient à l'extrémité. Une fontaine sourdait à mes pieds. Au fond de cette fontaine, dans cette même forêt, Roland, inamorato, non pas furioso, aperçut un palais de cristal rempli de dames et de chevaliers. Si le paladin, qui rejoignit les brillantes naïades, avait du moins laissé bride d'or au bord de la source, si Shakespeare m'eût envoyé Rosalinde et le duc exilé, il m'aurait été bien secourable. Ayant repris haleine, je continuai ma route. Mes idées affaiblies flottaient dans un vague non sans charme. Mes anciens fantômes, ayant à peine la consistance d'ombres aux trois quarts effacées, m'entouraient pour me dire adieu. Je n'avais plus la force des souvenirs. Je voyais, dans un lointain indéterminé et mêlés à des images inconnues, les formes aériennes de mes parents et de mes amis. Quand je m'asseyais contre une borne du chemin, je croyais apercevoir des visages me souriant au seuil des distantes cabanes, dans la fumée bleue échappée du toit des chaumières, dans la cime des arbres, dans le transparent des nuées, dans les gerbes lumineuses du soleil traînant ses rayons sur les bruyères comme un râteau d'or. Ces apparitions étaient celles des muses qui venaient assister à la mort du poète. Ma tombe, creusée avec les montants de leur lyre sous un chêne des Ardennes, aurait assez bien convenu aux soldats et aux voyageurs. Quelques jolies notes, fourvoyées dans le gîte des lièvres sous des troènes, faisaient seules, avec des insectes, quelques murmures autour de moi. Vie aussi légère, aussi ignorée que ma vie. Je ne pouvais plus marcher, je me sentais extrêmement mal. La petite vérole rentrait et m'étouffait. Vers la fin du jour, je m'étendis sur le dos à terre, dans un fossé, la tête soutenue par le sac d'Atala, ma béquille à mes côtés, les yeux attachés sur le soleil, dont les regards s'éteignaient avec les miens. Je saluais de toute la douceur de ma pensée l'astre qui avait éclairé ma première jeunesse dans mes landes paternelles. Nous nous couchions ensemble, lui pour se lever plus glorieux, moi, selon toutes les vraisemblances, pour ne me réveiller jamais. Je m'évanouis dans un sentiment de religion. Le dernier bruit que j'entendis était la chute d'une feuille et le sifflement d'un bouvreuil. Il paraît que je demeurai à peu près 2 heures en défaillance. Les fourgons du prince de ligne vinrent à passer. Un des conducteurs s'étant arrêté pour couper un sion de bouleau, trébucha sur moi sans me voir. Il me crut mort et me poussa du pied. Je donnai un signe de vie. Le conducteur appela ses camarades et, par un instinct de pitié, ils me jetèrent sur un chariot. Les cahots me ressuscitèrent. Je pus parler à mes sauveurs. Je leur dis que j'étais un soldat de l'armée des princes, que s'ils voulaient me mener jusqu'à Bruxelles où ils allaient, je les récompenserais de leur peine. « Bien, camarades, me répondit l'un d'eux, mais il faudra que tu descendes à Namur, car il nous est défendu de nous charger de personne. Nous te reprendrons de l'autre côté de la ville. Je demandai à boire, j'avalai quelques gouttes d'eau-de-vie qui firent reparaître en dehors les symptômes de mon mal et débarrassèrent un moment ma poitrine. La nature m'avait doué d'une force extraordinaire. Nous arrivâmes vers 10 heures du matin dans les faubourgs de Namur. Je mis pied à terre et suivis de loin les chariots. Je les perdis bientôt de vue. À l'entrée de la ville, on m'arrêta. Tandis qu'on examinait mes papiers, je m'assis sous la porte. Les soldats de garde, à la vue de mon uniforme, m'offrirent un chiffon de pain, de munitions, et le caporal me présenta dans un godet de verre bleu du brandevin au poivre. Je faisais quelque façon pour boire à la coupe de l'hospitalité militaire. « Prends donc !» s'écria-t-il en colère, en accompagnant son injonction d'un « sacrament d'Ertefel, sacrement du diable ». Ma traversée de Namur fut pénible. J'allais, m'appuyant contre les maisons. La première femme qui m'aperçut sortit de sa boutique, me donna le bras avec un air de compatissance et m'aida à me traîner. Je la remerciai, elle répondit « Non, non, soldat ». Bientôt, d'autres femmes accoururent, apportèrent du pain, du vin, des fruits, du lait, du bouillon, de vieilles nippes, des couvertures. « Il est blessé, » disaient les unes, dans leur patois français brabançon. « Il a la petite vérole, » s'écriaient les autres, et elles écartaient leurs enfants. « Mes jeunes hommes, vous ne pourrez marcher, vous allez mourir, restez à l'hôpital. » Elles me voulaient conduire à l'hôpital, elles se relayaient de porte en porte, et me conduisirent ainsi jusqu'à celle de la ville, en dehors de laquelle je retrouvais les fourgons. On a vu une paysanne me secourir, on verra une autre femme me recueillir à Guernesey. Femme qui m'avez assisté dans ma détresse, si vous vivez encore, que Dieu soit en aide à vos vieux jours et à vos douleurs. Si vous avez quitté la vie, que vos enfants aient en partage le bonheur que le ciel m'a longtemps refusé. Les femmes de Namur m'aidèrent à monter dans le fourgon, me recommandèrent au conducteur et me forcèrent d'accepter une couverture de laine. J'aperçus qu'elles me traitaient avec une sorte de respect, de déférence. Il y a dans la nature du français quelque chose de supérieur et de délicat que les autres peuples reconnaissent. Les gens du prince de Ligne me déposèrent encore sur le chemin à l'entrée de Bruxelles et refusèrent mon dernier écu. À Bruxelles, aucun hôtelier ne me voulut recevoir. Le juif errant, au reste populaire que la complainte conduit dans cette ville, quand il fut dans la ville de Bruxelles, en Brabant, y fut mieux accueilli que moi, car il avait toujours 5 sous dans sa poche. Je frappais, on ouvrait, en m'apercevant, on disait « passez, passez », et l'on me fermait la porte au nez. On me chassa d'un café. Mes cheveux pendaient sur mon visage masqué par ma barbe et mes moustaches. J'avais la cuisse entourée d'un torchis de foin. Par-dessus mon uniforme en loques, je portais la couverture de laine des Namuriennes, nouée à mon cou en guise de manteau. Le mendiant de l'Odyssée était plus insolent, mais n'était pas si pauvre que moi. Je m'étais présenté d'abord inutilement à l'hôtel que j'avais habité avec mon frère. Je fis une seconde tentative. Comme j'approchais de la porte, j'aperçus le comte de Chateaubriand, descendant de voiture avec le baron de Montboissier. Il fut effrayé de mon spectre. On chercha une chambre hors de l'hôtel, car le maître refusa absolument de m'admettre. Un perruquier offrait un bouche convenable à mes misères. Mon frère m'amena un chirurgien et un médecin. Il avait reçu des lettres de Paris. M. de Malesherbes l'invitait à rentrer en France. Il m'apprit la journée du 10 août, les massacres de septembre, et les nouvelles politiques dont je ne savais pas un mot. Il approuva mon dessein de passer dans l'île de Jersey et m'avança 25 louis. Mes regards affaiblis me permettaient à peine de distinguer les traits de mon frère. Je croyais que ces ténèbres émanaient de moi, et c'étaient les ombres que l'éternité répandait autour de lui. Sans le savoir, nous nous voyions pour la dernière fois. Tous, tant que nous sommes, nous n'avons à nous que la minute présente. Celle qui la suit est à Dieu. Il y a toujours de chances pour ne pas retrouver l'ami que l'on quitte, notre mort ou la sienne. Combien d'hommes n'ont jamais remonté l'escalier qu'ils avaient descendu? La mort nous touche plus avant qu'après le trépas d'un ami. C'est une partie de nous qui se détache, un monde de souvenirs d'enfance, d'intimité, de famille, d'affections et d'intérêts communs, qui se dissout. Mon frère me précéda dans le sein de ma mère. Il habita le premier ces mêmes et saintes entrailles dont je sortis après lui. Il s'assit avant moi au foyer paternel. Il m'attendit plusieurs années pour me recevoir, me donner mon nom en Jésus-Christ et s'unir à toute ma jeunesse. Mon sang mêlé à son sang dans la vase révolutionnaire aurait eu la même saveur, comme un lait fourni par le pâturage de la même montagne. Mais si les hommes ont fait tomber la tête de mon aîné, de mon parrain, avant l'heure, les ans n'épargneront pas la mienne. Déjà mon front se dépouille. Je sens un hugolin, le temps, penché sur moi, qui me ronge le crâne. Comme elle pane perfamée, si manduka. Le docteur ne revenait pas de son étonnement. Il regardait cette petite vérole sortante et rentrante qui ne me tuait pas, qui n'arrivait à aucune de ses crises naturelles, comme un phénomène dont la médecine n'offrait pas d'exemple. La gangrène s'était mise à ma blessure, on la pansa, avec du quinquina. Ses premiers secours obtenus, je m'obstinais à partir pour Ostende. Bruxelles m'était odieux, je brûlais d'en sortir, il se remplissait de nouveau de ces héros de la domesticité, revenus de Verdun en calèche, et que je n'ai pas revu dans ce même Bruxelles lorsque j'ai suivi le roi pendant les 100 jours. J'arrivai doucement à Ostende par les canaux, j'y trouvai quelques Bretons, mes compagnons d'armes. Nous nous lisâmes une barque pontée et nous dévalâmes la Manche. Nous couchions dans la cale, sur les galets qui servaient de lest. La vigueur de mon tempérament était enfin épuisée. Je ne pouvais plus parler. Les mouvements d'une grosse mer achevèrent de m'abattre. Je humais à peine quelques gouttes d'eau et de citron, et quand le mauvais temps nous força de relâcher à Guernesey, on crut que j'allais expirer. Un prêtre émigré me lut les prières des agonisants. Le capitaine, ne voulant pas que je mourusse à son bord, ordonna de me descendre sur le quai. On m'assit au soleil, le dos appuyé contre un mur, la tête tournée vers la pleine mer, en face de cette île d'Origny où, 8 mois auparavant, j'avais vu la mort sous une autre forme. J'étais apparemment voué à la pitié. La femme d'un pilote anglais vint à passer. Elle fut émue, appela son mari qui, aidé de 2 ou 3 matelots, me transporta dans une maison de pêcheurs, moi, l'ami des vagues. On me coucha sur un bon lit, dans des draps bien blancs. La jeune marinière prit tous les soins possibles de l'étranger. Je lui dois la vie. Le lendemain, on me rembarqua. Mon hôtesse pleurait presque en se séparant de son malade. Les femmes ont un instinct céleste pour le malheur. Ma blonde et belle gardienne, qui ressemblait à une figure des anciennes gravures anglaises, pressait mes mains bouffies et brûlantes dans ses fraîches et longues mains. J'avais honte d'approcher tant de disgrâces, de tant de charmes. Nous mîmes à la voile et nous abordâmes la pointe occidentale de Jersey. Un de mes compagnons, M. Dutilleul, se rendit à Saint-Hélier, auprès de mon oncle. M. de Bédé le renvoya me chercher le lendemain avec une voiture. Nous traversâmes l'île entière, tout expirant que je me sentais, je fus charmé de ces bocages, mais je n'en disais que des radoteries, étant tombé dans le délire. Je demeurai 4 mois entre la vie et la mort. Mon oncle, sa femme, son fils et ses 3 filles se relevaient à mon chevet. J'occupais un appartement dans une des maisons que l'on commençait à bâtir le long du port. Les fenêtres de ma chambre descendaient à fleurs de plancher, et du fond de mon lit j'apercevais la mer. Le médecin, M. Delâtre, avait défendu de me parler de choses sérieuses et surtout de politique. Dans les derniers jours de janvier 1793, voyant entrer chez moi mon oncle en grand deuil, je tremblais car je crus que nous avions perdu quelqu'un de notre famille. Il m'apprit la mort de Louis XVI. Je n'en fus pas étonné, je l'avais prévu. Je m'informai des nouvelles de mes parents. Mes sœurs et ma femme étaient revenues en Bretagne après les massacres de septembre. Elles avaient eu beaucoup de peine à sortir de Paris. Mon frère, de retour en France, s'était retiré à Malesherbes. Je commençais à me lever, la petite vérole était passée, mais je souffrais de la poitrine, il me restait une faiblesse que j'ai gardée longtemps. Jersey, la Caesarea de l'itinéraire d'Antonin, est demeurée sujette de la couronne d'Angleterre depuis la mort de Robert, duc de Normandie. Nous avons voulu plusieurs fois la prendre, mais toujours sans succès. Cette île est un débris de notre primitive histoire. Les saints venant d'Hibernie et d'Albion, dans la Bretagne armorique, se reposaient à Jersey. Saint-Hélier, solitaire, demeurait dans les rochers de Césarée. Les Vandales le massacrèrent. On retrouve à Jersey un échantillon des vieux Normands. On croit entendre parler Guillaume le Bâtard ou l'auteur du Roman de Roux. L'île est féconde. Elle a 2 villes et 12 paroisses. Elle est couverte de maisons de campagne et de troupeaux. Le vent de l'océan, qui semble démentir sa rudesse, donne à Jersey du miel exquis, de la crème d'une douceur extraordinaire et du beurre d'un jaune foncé qui sent la violette. Bernardin de Saint-Pierre présume que le pommier nous vient de Jersey. Il se trompe. Nous tenons la pomme et la poire de la Grèce, comme nous devons la pêche à la Perse, le citron à la Médie, la prune à la Syrie, la cerise à Césaronte, la châtaigne à Castane, le coing à Sidon et la grenade à Chypre. J'eus un grand plaisir à sortir au premier jour de mai. Le printemps conserve à Jersey toute sa jeunesse. Il pourrait encore s'appeler Primevère, comme autrefois, nom qu'en devenant vieux, il a laissé à sa fille la première fleur dont il se couronne. Ici, je vous transcrirai deux pages de la vie du duc de Berry. C'est toujours vous raconter la mienne. Après 22 ans de combat, la barrière des Rhins qui fermait la France fut forcée. L'heure de la restauration approchait. Nos princes quittèrent leur retraite. Chacun d'eux se rendit sur différents points des frontières, comme ces voyageurs qui cherchent, au péril de leur vie, à pénétrer dans un pays dont on raconte des merveilles. Monsieur partit pour la Suisse, Monseigneur le duc d'Angoulême pour l'Espagne, et son frère pour Jersey. Dans cette île, où quelques juges de Charles Ier moururent, ignorés de la terre, Monseigneur le duc de Berry retrouva des royalistes français, vieillis dans l'exil et oubliés pour leurs vertus, comme jadis les régicides anglais pour leurs crimes. Il rencontra de vieux prêtres, désormais consacrés à la solitude. Il réalisa avec eux la fiction du poète qui fait aborder un bourbon dans l'île de Jersey après un orage. Tel confesseur et martyr pouvait dire à l'héritier de Henri IV, comme l'ermite de Jersey à ce grand roi, « Loin de la cour alors, dans cette grotte obscure, de ma religion je viens pleurer l'injure. » Henriade. Monseigneur le duc de Berry passa quelques mois à Jersey, la mer, les vents, la politique l'y enchaînèrent. Tout s'opposait à son impatience. Il se vit au moment de renoncer à son entreprise et de s'embarquer pour Bordeaux. Une lettre de lui à Madame la maréchale Moreau nous retrace vivement ses occupations sur son rocher. 8 février 1814. Me voici donc comme Tantale en vue de cette malheureuse France qui a tant de peine à briser ses fers. Vous, dont l'âme est si belle, si française, jugez de tout ce que j'éprouve. Combien il m'en coûterait de m'éloigner de ces rivages, qu'il ne me faudrait que 2 heures pour atteindre. Quand le soleil les éclaire, je monte sur les plus hauts rochers, et, ma lunette à la main, je suis toute la côte. Je vois les rochers de Coutances. Mon imagination s'exalte, je me vois sautant à terre, entouré de Français, cocardes blanches au chapeau. J'entends le cri de « Vive le roi !» ce cri que jamais Français n'a entendu de sang-froid. La plus belle femme de la province me ceint d'une écharpe blanche, car l'amour et la gloire vont toujours ensemble. Nous marchons sur Cherbourg. Quelque vilain fort, avec une garnison d'étrangers, veut se défendre. Nous l'emportons d'assaut, et un vaisseau part pour aller chercher le roi, avec le pavillon blanc qui rappelle les jours de gloire et de bonheur de la France. Ah, madame, quand on n'est qu'à quelques heures d'un rêve si probable, peut-on penser à s'éloigner ? Note. Mémoire sur la vie et la mort du duc de Berry. Première partie, livre 3e, chapitre 6. Fin de note. Il y a 3 ans que j'écrivais ces pages à Paris. J'avais précédé monsieur le duc de Berry de 22 années à Jersey, ville de Banny. J'y devais laisser mon nom, puisque Armand de Chateaubriand s'y maria et que son fils Frédéric y est né. La joyeuseté n'avait point abandonné la famille de mon oncle de Bédé. Ma tante choyait toujours un grand chien descendant de celui dont j'ai raconté les vertus. Comme il mordait tout le monde et qu'il était galeux, mes cousines le firent pendre en secret, malgré sa noblesse. Madame de Bédé se persuada que des officiers anglais, charmés de la beauté d'Azor, l'avaient volé et qu'il vivait comblé d'honneurs et de dîners dans le plus riche château des 3 royaumes. Hélas, notre hilarité présente ne se composait que de notre gaieté passée. En nous retraçant les scènes de mon choix, nous trouvions le moyen de rire à Jersey. La chose est assez rare, car dans le cœur humain, les plaisirs ne gardent pas entre eux les relations que les chagrins y conservent. Les joies nouvelles ne rendent point le printemps aux anciennes joies, mais les douleurs récentes font reverdir les vieilles douleurs. Au surplus, les émigrés excitaient alors la sympathie générale. Notre cause paraissait la cause de l'ordre européen. C'est quelque chose qu'un malheur honorait, et le nôtre l'était. Monsieur de Bouillon protégeait à Jersey les réfugiés français. Il me détourna du dessein de passer en Bretagne, hors d'état que j'étais de supporter une vie de cavernes et de forêts. Il me conseilla de me rendre en Angleterre et d'y chercher l'occasion d'y prendre du service régulier. Mon oncle, très peu pourvu d'argent, commençait à se sentir mal à l'aise avec sa nombreuse famille. Il s'était vu forcé d'envoyer son fils à Londres se nourrir de misère et d'espérance. Craignant d'être à charge à M. de Bédé, je me décidai à le débarrasser de ma personne. 30 louis qu'un bateau fraudeur de Saint-Malo m'apporta me mirent à même d'exécuter mon dessein et j'arrêtai ma place au paquebot de Southampton. En disant adieu à mon oncle, j'étais profondément attendri. Il venait de me soigner avec l'affection d'un père. À lui se rattachait le peu d'instants heureux de mon enfance. Il connaissait tout ce qui fut aimé de moi. Je retrouvais sur son visage quelques ressemblances de ma mère. J'avais quitté cette excellente mère et je ne devais plus la revoir. J'avais quitté ma sœur Julie et mon frère et j'étais condamné à ne plus les retrouver. Je quittais mon oncle et sa mine épanouie ne devait plus réjouir mes yeux. Quelques mois avaient suffi à toutes ces pertes, car la mort de nos amis ne compte pas du moment où ils meurent, mais de celui où nous cessons de vivre avec eux. Si l'on pouvait dire autant, tout beau, on l'arrêterait aux heures des délices. Mais comme on ne le peut, ne séjournons pas ici-bas. Allons-nous-en avant d'avoir vu fuir nos amis, et ces années que le poète trouvait seul digne de la vie. Vita dignior aetas. Ce qui enchante dans l'âge des liaisons devient dans l'âge délaissé un objet de souffrance et de regret. On ne souhaite plus le retour des mois riant à la terre, on le craint plutôt. Les oiseaux, les fleurs, une belle soirée de la fin d'avril, une belle nuit, commencée le soir avec le premier rossignol, achevée le matin avec la première hirondelle, ces choses que donnent le besoin et le désir du bonheur, vous tuent. De pareils charmes, vous les sentez encore, mais ils ne sont plus pour vous. La jeunesse qui les goûte à vos côtés et qui vous regarde dédaigneusement vous rend jaloux et vous fait mieux comprendre la profondeur de votre abandon. La fraîcheur et la grâce de la nature, en vous rappelant vos félicités passées, augmentent la laideur de vos misères. Vous n'êtes plus qu'une tache dans cette nature. Vous en gâtez les harmonies et la suavité par votre présence, par vos paroles, et même par les sentiments que vous oseriez exprimer. Vous pouvez aimer, mais on ne peut plus vous aimer. La fontaine printanière a renouvelé ses eaux sans vous rendre votre jouvence, et la vue de tout ce qui renaît, de tout ce qui est heureux, vous réduit à la douloureuse mémoire de vos plaisirs. Le paquebot sur lequel je m'embarquais était encombré de familles émigrées. J'y fis connaissance avec M. Hingant, ancien collègue de mon frère au Parlement de Bretagne, homme d'esprit et de goût dont j'aurais trop à parler. Un officier de marine jouait aux échecs dans la chambre du capitaine. Il ne se remit pas mon visage tant j'étais changé. Mais moi, je reconnus Jesril. Nous ne nous étions pas vus depuis Brest. Nous devions nous séparer à Southampton. Je lui racontai mes voyages, il me raconta les siens. Ce jeune homme, né auprès de moi, parmi les vagues, embrassa pour la dernière fois son premier ami au milieu des vagues qu'il allait prendre à témoin de sa glorieuse mort. Lambadoria, amiral des Génois, ayant battu la flotte des Vénitiens, apprend que son fils a été tué. « Qu'on le jette à la mer, » dit ce père, à la façon des Romains, comme s'il eût dit qu'on le jette à sa victoire. Jesril ne sortit volontairement des flots dans lesquels il s'était précipité que pour mieux leur montrer sa victoire sur leur rivage. J'ai déjà donné au commencement du 6e livre de ses mémoires le certificat de mon débarquement de Jersey à Southampton. Voilà donc qu'après mes courses, dans les bois de l'Amérique et dans les camps de l'Allemagne, j'arrive en 1793, pauvre émigré, sur cette terre où j'écris tout ceci en 1822 et où je suis aujourd'hui magnifique ambassadeur. Fin de la section 23.